Bonsoir, dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Bonnie Prince Charlie, un héros écossais. Le 23 juillet 1745, Charles Edward Stuart, alias Bonnie Prince Charlie, débarque secrètement en Écosse. Le paysage est grandiose, les îles des Hébrides, au loin les montagnes des Highlands et partout la mer étincelante. Mais pas le temps de s'attarder. Le beau prince, 25 ans, fringant avec sa perruque blanche et son jabot à dentelle, s'est donné une mission, soulever les Écossais contre l'usurpateur anglais et reprendre les trônes d'Écosse et d'Angleterre. Une aventure chevaleresque qui, grâce aux Highlanders, célèbres pour leurs kilts, leurs cornemuses et leurs féroces cris de guerre, le conduira de victoire en victoire, avant, un an plus tard, de s'embourber sous une pluie battante à la terrible bataille de Culloden. Si la fuite du prince est entrée dans la légende romantique, secourue au péril de sa vie par la fidèle Flora MacDonald, cet échec va marquer la fin pour longtemps de toute velléité de soulèvement de l'Écosse contre le pouvoir de Londres. Mais Bonnie Prince Charlie n'a peut-être pas dit son dernier mot, puisqu'aujourd'hui, près de 300 ans plus tard, la majorité des Écossais refusent le Brexit et se reprennent à penser indépendance. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. François-Charles Mougel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, professeur émérite à Sciences Po Bordeaux, spécialiste du Royaume-Uni. Alors, l'histoire de Bonnie Prince Charlie, vous la connaissez, j'imagine, bien sûr. Difficile d'y échapper quand on voyage en Écosse, tellement le personnage est partout. Oui, oui, c'est une figure quasiment légendaire et en même temps d'un profond ancrage historique dont les conséquences restent encore très présentes aujourd'hui. Et d'où vient ce nom, Bonnie Prince Charlie, vous le savez? Alors, Prince Charlie, bon, parce qu'effectivement, c'est le prince Charles-Édouard Stuart, donc ça, c'est clair. Ouais. Bonnie, on l'attribue, on donne une traduction qui veut dire béni ou très beau. C'est une image effectivement positive sur son apparence et sur son charisme. Alors, l'aventure de Bonnie Prince Charlie est très romanesque, mais elle a aussi, vous venez de le dire, une dimension historique très importante. Pour bien en comprendre le sens, pourriez-vous, François-Charles Mougel, nous rappeler quelles ont été les relations entre l'Écosse et l'Angleterre jusqu'à ce moment-là, donc 1745 en gros, et donc cette situation-là, quand débute l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes? Alors, disons que ces relations ont d'abord été séparées et quasiment indifférentes jusqu'à à peu près au Xe siècle de notre ère, puisque l'Écosse va échapper pour l'essentiel à la conquête romaine et ensuite va se diviser en différents petits royaumes médiévaux. Et c'est véritablement quand les Normands donc vont envahir l'Angleterre que les relations vont devenir beaucoup plus étroites et souvent beaucoup plus tragiques et conflictuelles, puisque le grand désir des Anglais, c'est finalement d'essayer de repousser les limites de leur royaume jusqu'au nord de l'île de Grande-Bretagne et donc de conquérir l'Écosse. Et pendant plusieurs siècles, donc en gros du 11e jusqu'au 16e siècle, donc il y aura toute une série de batailles avec des défaites écossaises spectaculaires, mais aussi des victoires. Et on se rappelle la grande figure de William Wallace, Brevard. Robert Bruce aussi, à Bannockburn. Robert Bruce, Bannockburn, bien entendu. Les déclarations de 1320 du serment des nobles anglais qui refusent, des nobles écossais pardon, qui refusent toute allégeance au roi d'Angleterre. Et puis curieusement, c'est par une succession dynastique tout à fait paisible que en 1603, le roi d'Écosse, Jacques VI Stuart, donc l'ancêtre de Bonnie Prince Charlie, monte sur le trône d'Angleterre à la mort de la reine Élisabeth. Ils sont tous les deux descendants des Tudors et comme la reine Élisabeth n'a pas d'héritier, eh bien c'est un Stuart qui prend sa place sur le trône. Donc il y a eu Écossais sur le trône d'Angleterre. Voilà, et une dynastie écossaise qui va même d'ailleurs étendre son autorité à l'Irlande, puisque l'Irlande est rattachée aussi au Royaume d'Angleterre, tout en étant encore indépendante jusqu'en 1801. Et comment arrive-t-on à l'acte d'union de 1707? Eh bien, en 1707, grâce à une corruption énorme, il faut bien le reconnaître, les élites écossaises et les élites anglaises acceptent donc l'union. L'union, c'est donc pas une annexion de l'Écosse par l'Angleterre, c'est une association, un regroupement, donc dans un royaume uni, qui ne porte d'ailleurs le nom de ni l'un ni l'autre des deux partenaires, c'est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. C'est une union qui est fondée sur, je dirais, un rapprochement des intérêts. Alors, en 1707, c'est incontestablement l'intérêt des élites, Et pour les Écossais, ce qui est le plus important, c'est l'accès au marché anglais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence douanière, il y a une union douanière, il y a un accès au marché impérial, c'est-à-dire à l'expansion du territoire anglais donc vers l'Amérique, puis plus tard bien d'autres régions du monde. Et en même temps, il ne faut pas oublier que l'Écosse préserve son Église nationale, oui, son Église. Elle préserve son droit, préserve sa monnaie et son éducation, et son système éducatif. Oui. Donc, elle sauve au fond ce qu'on pourrait appeler son identité. Hein. Aujourd'hui, c'est le terme qui conviendrait. Alors, François-Charles Mougel, comment arrive Bonnet Prince Charlie? D'où vient-il? C'est en 1745, il est né à Rome, il n'a pas connu l'Écosse avant de débarquer là en 1745. Non, il n'a pas connu l'Écosse puisqu'il est né en 1720. Donc, il est le représentant, quand il va arriver sur les terres écossaises, il est le représentant de son père, donc le fils de Jacques II, le potentiel Jacques III. Il a, en quelque sorte, il a repris le flambeau. Et quand, en 1745, donc, Bonnet Prince Charlie arrive en Écosse, il a d'ailleurs subi l'année précédente, enfin ses forces l'année précédente ont subi d'ailleurs un échec suite à une tempête qui a dispersé la flotte française qui était censée amener des troupes du roi de France en Écosse à l'appui de la thèse jacobite. Le mot vient de Jacobus, Jacques. Hein. Oui. Voilà, Jacques en latin. Et on l'oublie, on le dit pas assez souvent, mais nous sommes en plein conflit européen. Nous sommes dans la guerre de succession d'Autriche, la France et le Royaume-Uni se trouvent dans des camps opposés. Oui, et donc la France va soutenir Bonnet Prince Charlie dans cette opération. Très vieille tradition, ce qu'on appelle l'Old Alliance, hein, la vieille alliance, va soutenir évidemment les Écossais, parce que ce qui peut affaiblir l'Angleterre est favorable à Louis XV. François-Charles Mougel, je propose que nous poursuivions ces discussions dans environ 30 minutes. Tout de suite, Bonnet Prince Charlie, un héros écossais, un texte de Christian Vasselin, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire. Christian Vasselin, qui, vous le verrez, à cette histoire vraie, a mêlé un personnage de fiction, Waverley, sorti du célèbre roman de Walter Scott. La réalisation est signée Cédric Ossir. Nous y voilà enfin. Mais la journée sera longue. Les journées sont toujours longues en Écosse, l'été. Et les Highlanders vont prendre leur temps. Le temps de boire, le temps de prêter serment, d'enfiler leur kilt. Ah, je les connais. Mais est-ce que l'histoire attend? Est-ce qu'elle va me laisser le temps? Est-ce que mon épopée ne va pas finir en farce? Mais non. C'est à moi de montrer au monde de quoi je suis capable. Il faut que mon grand-père soit vengé, que je fasse sourire Marie Stuart du haut de son paradis. Mon pays mérite bien la paix civile, non? Pour aujourd'hui, que les Écossais se retrouvent sous ma bannière. Ils ne vont pas tarder. Ce sont eux. Ouais, je reconnais cette musique. C'est notre chant de ralliement tombé des montagnes. Ils vont descendre des Highlands avec tambours et cornemuses. Bientôt, elles seront là. Ces âmes prêtes à se battre pour les Stuarts, pour l'Écosse, pour la liberté. 23 juillet 1745. Le jeune prétendant Charles-Édouard Stuart, dit Bonnet Prince Charlie, vient de débarquer avec quelques-uns de ses compagnons à Eriskay, petite île située au nord-ouest de l'Écosse. Il a réussi, non sans mal, à fédérer autour de sa personne la majorité des clans écossais. Son objectif ? Dénoncer l'acte d'union avec l'Angleterre et redonner à l'Écosse son indépendance. C'est à lui désormais qu'il revient de défier le roi George II de Hanovre et de reprendre le double flambeau, réunir les clans d'Écosse, ce qu'il vient de réussir, et réinstaller les Stuarts sur le trône. Au fil des semaines, la réussite sourit au jeune prétendant. Le 16 septembre, à la tête d'une armée de 2000 hommes, il s'empare de la capitale, Édimbourg. Et 5 jours plus tard, remporte avec les Highlanders la bataille de Preston Pans, une défaite humiliante pour les Anglais, commandée par Sir John Cope. Le capitaine George Murray, chargé de la stratégie militaire de Bonnet Prince Charlie, l'exhorte toutefois au réalisme. Allons, Murray, ne restez pas planté ainsi. C'est bien humide. Que dites-vous du chemin parcouru depuis cet été ? Très franchement, my lord, je n'imaginais pas que nous avancerions aussi vite. Vous avez vu cette croix surmontée d'une licorne? La licorne, Murray, c'est toute l'Écosse. Elle est indomptable. Elle purifie l'eau des loques. Elle mourrait plutôt que de se rendre. Ce malheureux Cope, avec ses soldats si lourdeaux, si coires. Nos hommes ont une toute autre allure, il est vrai. Des lions! J'ai bien fait de demander à nos Highlanders d'avancer de nuit. Il a suffi qu'ils s'élancent à l'aube comme un seul homme avec leur cri de guerre, et hop, quelle débandade chez les Anglais. Et si vous le poussiez, ce beau cri, Murray, dans ce paysage d'eau et de landes? Je préfère attendre que vienne la bataille. Vous avez raison. J'avoue que ce cri me glacerait d'effroi moi-même si je ne le connaissais pas. Mais nous sommes des gentlemen, Murray, comme ils disent dans leur langue de pleutre. Nous aimons la nuit, nous aimons nous battre, mais nous épargnons les blessés. Oh, ce vent, ce vent! Attention, ce pont est un peu branlant. L'intendance n'est pas notre fort. Il faudra veiller à nos arrières et ne pas perdre de temps à nous promener comme nous le faisons aujourd'hui. Il faut nous imprégner du pays, Murray. Vous sentez l'odeur de la tourbe? Ah, comme j'aimerais m'envoler avec ces oiseaux! Mais en attendant, faites attention, ce marais me paraît bien sournois. Savez-vous que notre victoire a déjà inspiré une chanson? Je vous défie d'en deviner l'auteur. Waverley. Quoi? Cet anglais? Ce déserteur? Ce songe creux, voulez-vous dire? Il ne rêve que d'amourettes, de fleurs et de galanterie. D'après ce qu'on m'a dit, il a été enrôlé de force dans l'armée anglaise. Et un matin qu'il partait se promener, le nez au vent, il a été fait prisonnier par les nôtres. Quel bonnet! Mais il a écrit cette chanson qui célèbre nos succès et nos talents. L'avenir est à nous, Murray. Quel avenir, my lord? Que voulez-vous dire? L'Écosse est un beau pays, my lord. Mais le front buté de ces Highlanders, leur tradition, leur volonté que rien ne change pour l'éternité. Eh, mais justement! Tout va changer puisque l'Écosse va redevenir ce qu'elle a toujours été. C'est bien ce que je vous disais. Un pays libre dans un royaume renouvelé. Je ne vous comprends pas, my lord. Je vous croyais joueur, Murray. C'est-à-dire... D'ailleurs, vous êtes mal rasé aujourd'hui. Et cet habit, grand Dieu, vous croyez-vous? Il faut être conquérant, Murray, avoir du souffle. L'histoire exige que nous soyons irréprochables. Bien sûr, mais... Vous n'avez pas saisi que je voulais bouter les Hanovres hors d'Écosse pour prendre leur place? Sur le trône d'Écosse? Et sur celui d'Angleterre aussi, voyons. Quoi? Vous voulez préserver le traité d'union? Mais est-ce la vie des Highlanders? Je saurais les convaincre. Ah, nous arrivons. Vous voyez ces ruines là-bas? C'est là que nous allons dormir cette nuit. Au clair de lune, ou un soir d'orage. L'image est de celle qu'on ne voit même pas dans les rêves. Je ne vois guère là qu'un manoir décrépit. Dans ce château, il y a toute l'Écosse qui chante, avec ses bardes et le vent qui vient l'embrasser. Chaque pierre, chaque ronce est une archive. Je vais redresser les ruines, Murray, recomposer le livre. Dès demain, nous reparlerons de la guerre. Allez, donnez-moi un cigare. Sous la bannière de Bonnie Prince Charlie, les Jacobites traversent l'Écosse en héros. Prennent Carlisle, descendent en Angleterre et s'approchent même dangereusement de Londres. Le 4 décembre 1745, ils sont à Derby, à 200 km seulement au nord de la capitale. Mais le roi George II a mesuré le danger. Il confie à son fils, le duc de Cumberland, le soin de lever une armée afin de contenir l'épopée jacobite. Par prudence, les chefs de clan, de leur côté, persuadent Bonnie Prince Charlie de ne pas attaquer Londres, de remonter en Écosse et de se replier sur la ville d'Inverness, le temps de rassembler suffisamment d'hommes et d'armes pour affronter l'armée anglaise dans les meilleures conditions. Que fais-je ici attendre dans cette auberge, alors qu'il y a tant à accomplir? Nous étions aux portes de Londres, le trône était à portée de la main et ils m'ont fait remonter jusqu'ici sous prétexte que les Hanovres avaient compris la menace. Ces capitaines manquent d'audace, vraiment, quelle tristesse. My lord, vous êtes là? Nous n'avons que trop tardé, Murray. Non, my lord, il faut prendre le temps de réunir nos forces. L'enthousiasme ne suffit pas. Mon rêve n'est pas une chimère, c'est une vision, oui, de la poésie en action. Transformer une balade en légende, c'est ainsi que moi j'entends la politique, Murray. Commandez-nous à boire, voulez-vous? Avec plaisir. Mais cette aubergiste ne me dit rien de bon, elle nous regarde depuis tout à l'heure d'un drôle d'air. Ces messieurs. Apportez-nous de la bière, s'il vous plaît, bien brune. et bien tourbé. Très bien, messieurs. Où en étions-nous ? Vous êtes un magnifique aventurier, my lord. Permettez-moi de vous le dire. 25 ans, de l'énergie à revendre. Mais vous devez aussi montrer que vous avez les pieds sur terre. Levez une armée solide et non pas une bande de joyeux drilles, aussi farouches et dévouées soient-ils. Et de grâce, contentez-vous de l'Écosse d'abord. Je veux le royaume tout entier, vous entendez ? Et je revendique l'Irlande par-dessus le marché. My lord. Murray, aidez-moi. Ah, on nous apporte à boire. Pour ces messieurs. Merci. Que les Anglais viennent me trouver ici, sur la plaine de Culloden, et je les mettrai en pièces. Culloden ? Mais... Comme dans la chanson écrite par Waverley. On n'entend plus qu'elle. Quand je pense que c'est à un Anglais que je la dois. Cette bière est digne de celle de nos ancêtres. My lord, nous ne sommes ni assez nombreux ni assez forts. Les Anglais ont des canons, des mousquets, de la poudre. Ce sont des soldats entraînés, bien nourris, qui touchent régulièrement leur solde. Nos chefs de clan ne peuvent amener que des bergers, des laboureurs, des artisans. Des contrebandiers, oui, prêts à se battre pour l'honneur. Ce qui vaut toutes les soldes du monde. Contraints de se battre, vous voulez dire. S'ils ne veulent pas voir brûler leur maison. Si je puis me permettre, my lord, moi, je serais plutôt de l'avis du capitaine. Et qui es-tu, toi, pour oser me contredire ? Les chefs de clan, my lord, ils ont rien de grand seigneur. Ils sont mal dégrossis, mais ils me resteront fidèles. Et c'est pas non plus des héros. Ils vous donneront raison jusqu'à un certain point. C'est leur intérêt qui les tient. Moi, je vous le dis comme je le pense, hein. C'est pas la gloire. La dîme noire. Hein ? Vous savez ce que c'est ? Ils rançonnent les paysans sous prétexte de les protéger. Allez, me dites pas le contraire, hein, vous le savez comme moi. La politique leur est pas montée à la tête comme à vous, non, mais ils savent compter leurs sous. Nous aurons avec nous des Irlandais catholiques envoyés par mon cousin Louis XV pour dire leurs quatre vérités au Hanovre. Les Irlandais vaincront avec nous et ils deviendront les plus farouches partisans des Stuarts. Nous ne vaincrons pas, my lord. D'abord pour les raisons que je vous ai dites et parce que la lande de Culloden est plate, comme un kilt sur un plateau. Cet endroit est le plus mauvais qui soit. Il faut en trouver un autre. Si nous ne pouvons pas au moins maîtriser le terrain, nous courons au suicide. Je ne reculerai pas, Murray. Nous irons à Culloden. C'est là que doit renaître l'Écosse de nos pères. Vous voulez dire celle de vos folies ? Murray, mais qu'est-ce que... Un sale capitaine n'a pas tort, my lord. Faut être assez costaud pour battre les Anglais. Sinon, faut renoncer. Renoncer, moi ? Écoute, prophétesse de malheur, j'irai à Culloden, que tu le veuilles ou non, et tu me remercieras de t'avoir offert la liberté. Vous imposerez pas la liberté aux Écossais, my lord. Tu es peut-être une sorcière, mais je ne suis pas Macbeth. J'irai à Culloden et je serai roi. Le 16 avril 1746, quand s'engage la bataille de Culloden, à 7 km nord-ouest d'Inverness, Bonnie Prince Charlie a essayé une nouvelle fois d'attaquer de nuit. Mais les hommes de George II ont cette fois évité le piège. Le jour se lève, les nuages oppressent la lande et le ciel est bouché. 9000 Anglais aguerris font face à 5000 Highlanders, épuisés, affamés, désorganisés. Les combats commencent sous une pluie battante. Et très vite, c'est le chaos chez les Écossais qui manquent de tout. D'hommes, de munitions, de plans de bataille. Le duc de Cumberland et son adjoint Drumore assistent au spectacle du sommet d'une colline. Redonnez-moi une côtelette. Ces Écossais sont vraiment des soudards. Ils portent des jupes, ils sont imbibés de whisky, ils ne pensent qu'à hurler, à jurer. Et ils sont en train de perdre. Ils ont pourtant remporté plusieurs batailles. Il fallait bien les laisser espérer. Vous les entendez, Drumore ? Des bêtes féroces, il n'y a pas d'autre mot. Les Highlanders ont beau être des sauvages ou des naïfs, ce ne sont pas des enfants, ils se battront jusqu'à la mort. Eh bien, ils mourront tous. Et ce sera la fin du beau rêve de leur chef, ce belâtre, cet italo-écossais protégé par les Français. Vous le voyez là-bas ? Avec son gilet de soie. Oui, sir. La poudre du canon est moins parfumée que celle qu'il met sur ses perruques. Ah, ils sont enragés, ces Écossais. On dirait qu'ils appellent leurs fantômes pour venir les secourir. Et un peu grasse, leur viande de mouton. Je crois qu'il y a toujours eu un malentendu entre eux, sœur. Ah oui. Les Highlanders voulaient rompre le traité d'union avec l'Angleterre. Bonnie Prince Charlie, lui, projetait de rétablir les Jacobites sur le trône. Il se voyait déjà roi d'Écosse et d'Angleterre. Il imaginait même que les Irlandais allaient lui tomber dans les bras. C'est ce qui a convaincu les Highlanders les plus influents de le faire revenir en Écosse alors qu'il était aux portes de Londres. Il n'empêche, cette fois, il a perdu pour toujours et l'Écosse et l'Angleterre. Quant à ces papistes d'Irlandais, je leur ferai payer leur hérésie. Mais d'abord, savourons notre succès. Décidément, le destin contrarié du jeune prétendant me fait plaisir. Une saison d'ivresse et 5 mois plus tard, la déculottée, si je puis me permettre. Allez, Drumor, servez-vous. J'avais prévenu, my lord. Les cadavres des nôtres s'entassent dans la boue. Les chevaux morts étouffent les blessés. Oh, tout ce sang versé, tous ces yeux sans regard. Cumberland a fait apporter du rhum à ses troupes. Les Highlanders, eux, ont épuisé nos réserves de whisky. Nous sommes encerclés, my lord. Donnez l'ordre du repli. L'ordre du repli ? Laissez ceux qui vivent encore rentrer chez eux. Inutile de provoquer un massacre définitif. Il faut imaginer l'avenir. Waverley n'est même plus là pour m'écrire une chanson funèbre. Il a fui. La guerre n'est pas faite pour lui. Oh, dommage. Il avait une jolie voix. Une voix de jeune fille. Et puis une grâce. Oubliez ce poltron, my lord. Il faut que vous partiez afin de préparer une autre bataille. Que cette fois, nous gagnerons. Partir, dites-vous ? Culloden est à nous, Drumor. Je vais vous demander d'être sans pitié. C'est-à-dire ? Vous allez achever les blessés. Vous regrouperez les prisonniers dans une vallée. Vous leur ferez creuser leur tombe et vous les supprimerez sans état d'âme. Une fosse commune fera l'affaire. Je n'entends pas que ces brutes un beau jour recommencent à me provoquer. Très bien, my lord. Une exception, cependant. Ce Waverley, je veux qu'il soit dorénavant des nôtres. Comment, ce traître ? Oui, l'auteur de la chanson, rappelez-moi le titre. Charlie is my darling. Oui, voilà. Charlie is my darling. Ce Waverley s'est conduit comme un idiot, mais je suis persuadé qu'il pourra nous être utile. Vous savez où il se cache ? Mes hommes sauront le trouver. D'ailleurs, il ne connaît pas le pays, il sera vite repéré. Bien. Il faut l'arrêter. Lui rappeler qu'il a trahi l'Angleterre, mais lui promettre la vie sauve. Il fera preuve de beaucoup de zèle pour se racheter. Je suis sûr qu'il nous aidera à mettre la main sur Bonnie Prince Charlie. Si vous croyez que... Ce n'est pas tout. Vous ferez respecter la loi dans toute l'Écosse, par la terreur s'il le faut. Je viendrai moi-même inspecter le pays cet été. Je serai à Édimbourg le 23 juillet, 1 an après le débarquement du Stuart en Écosse. J'espère qu'à cette date, il sera dans nos fers. D'ici là, je ne veux plus voir un tartan, je ne veux plus entendre une cornemuse, ni une seule de leurs messes hérétiques, sous peine de mort. Bien, sir. Soyez inflexible. Monsieur Handel écrira un hymne en mon honneur. Vous viendrez l'écouter avec moi ? Oui, sir. La fin est proche. Descendons admirer le désastre. Culloden est une tragique défaite pour Bonnie Prince Charlie et pour les Écossais. Les espoirs de restauration des Stuarts sont ruinés. Les Anglais se lancent dans une répression impitoyable, comme l'a ordonné Cumberland. Chaque étable est inspectée, chaque cottage fouillé. Le moindre suspect est abattu. Charles-Édouard Stuart devient proscrit dans son propre pays. Poursuivi par une meute on ne peut plus féroce, il va de cachette en cachette avec le fidèle capitaine Murray. Ils sont aidés par quelques familles écossaises, encore animées par la foi en l'indépendance de leur pays et la haine des Hanovre. Un matin, alors qu'il se cache dans une ferme de Dorgaroch... Réveillez-vous. My lord ! Quoi ? Debout. C'est l'aube. Déjà ? Où sommes-nous, Murray ? Dans une ferme, rappelez-vous. Dans la panique qui a suivi la défaite, nous avons échoué ici. Ah oui, je me souviens. Nous avons traversé le Loch Ness et sans voir aucun monstre. Quel prodige ! Mais rien ne dit que la journée qui vient nous sera aussi favorable. Cumberland est à nos trousses, my lord. Ah, ce Cumberland, il les a tous fait massacrer. Des Highlanders qui s'étaient battus comme des dieux, qui n'avaient d'autre ambition que de servir leur pays. Mais Cumberland l'a emporté par le nombre et non par la bravoure. 9 000 contre 5 000, il avait toutes les chances de son côté. Nous étions pourtant à 2 doigts. Non, my lord. Arrêtons de nous cacher la vérité. J'avais deviné l'issue de la bataille dès la veille. Pourquoi l'avoir engagé, my lord ? Pourquoi ? Pourquoi ? pour les Stuarts, pour l'Écosse. Si mon cousin Louis XV m'avait aidé... Le roi de France n'avait aucun intérêt à vous prêter main forte. Écoutez. Mylord, il faut partir. Comment ? Vous voulez déjà nous priver de votre hospitalité ? Les troupes de Cumberland pillent toutes les fermes. Ils mettent le feu aux granges si on refuse de leur livrer les Jacobites qui se cachent. Vous devez partir et vite, sinon vous serez mort et tout sera brûlé. Où aller ? Si les hommes de Cumberland sont partout. Alors, vous allez fuir par le sentier qui conduit vers Urquhart Castle. Vous continuerez vers le sud, mais attention, évitez Fort Augustus. Il faudra ensuite marcher vers l'est. À 2 jours de marche, vous atteindrez Maleg. Vous y trouverez un bateau pour atteindre l'île de Skye. Mais nous allons nous faire remarquer. Je vous ai apporté des vêtements de femme. Tenez. Il est hors de question qu'un capitaine se déguise en... Murray, ce n'est pas le moment de faire la coquette. Savez-vous que ma tête est mise à prix, madame ? 30 000 livres, une très jolie somme. Pour l'amour du ciel, partez. Je ne tiens pas à ce que vous soyez pris. Je ne veux pas toucher cet argent. Une fois arrivés, nous irons nous prosterner devant Tabamor, notre pierre fétiche. Cimetière du clan des MacDonald. Ni plus ni moins, les MacDonald ne trahissent jamais. Dieu vous entende, my lord. Fuyez vite, ils arrivent. Adieu, madame. Adieu. Adieu. Adieu. En route pour Skye. Skye. C'est peut-être la plus belle des îles d'Écosse. J'y trouverai Flora MacDonald. On m'a dit qu'elle était belle. Et son clan nous est fidèle, je le sais. À Skye, Flora nous donnera un bateau pour me conduire en France. Et si mon idéal n'était plus que poussière ? S'il fallait que je rentre à Rome, là où je suis né, pour n'en plus jamais sortir ? Le pape me pardonnerait, me protégerait. Enfantillage. Non, j'irai à Versailles. Je parlerai au roi. Je lui ferai prendre la mesure de mon dessein et des avantages que la France doit trouver à nous aider. Nous engagerons contre le Hanovre la bataille décisive. Et cette fois, nous réduirons les Anglais en miettes. Fouillez tout! Je veux qu'on le retrouve! Qui cherchez-vous? Devinez. Il n'y a personne ici. Vraiment? N'y aurait-il pas un prétendu prince, un blondinet poudré comme un coq à l'abri dans votre grange avec son imbécile de capitaine? Il n'y a personne. C'est ce que nous allons voir. Vous savez, je suis bien informé. Certains des vôtres ont compris qu'il était inutile de résister. Nous sommes de paisibles fermiers. Mais vos cornemuses et vos tartans... Au grenier, dans une malle. À la bonne heure. En revanche, je crois bien que le prince et son capitaine... Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Un Don Quichotte aux petits pieds, voyons, ça ne vous rappelle rien. Nous ne vivons pas dans les livres. Nous travaillons. Nous vivons avec la pluie, avec le vent. Nous sommes des gens simples. Justement, la situation est un peu plus simple. Si vous ne me dites pas où il se cache, je passe votre mari par les armes. Jim. Mes hommes l'ont arrêté, il est avec eux, là, dehors, à 2 pas. Parlez où il est mort. Eh bien... Je n'ai vu personne. Ni prince, ni capitaine. Personne. Vous autres, préparez-vous. Jim ! Alors ? Il n'y a personne. Fort bien. Tirez ! Jim ! C'est trop bête, vraiment. Mettez le feu à la ferme et emmenez la femme. Elle est encore jeune, elle pourra encore servir. Et faites sonner les cloches. Que toute l'Écosse sache que nous sommes ici chez nous. Que George II d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande ne laissera rien passer qui puisse nuire à l'unité de son royaume. Amusez-vous bien, je vais rendre compte au duc de Cumberland. Le jeune prétendant nous a échappé, sœur. Malgré les tueurs, les chiens et les bourreaux que vous m'avez promis ? Oui. Il reste introuvable. Tout porte à croire qu'il veut se rendre en France et qu'il partira par la côte nord-ouest de l'Écosse. Eh bien, prenez-le de court, coupez-lui la retraite, qu'attendez-vous ? Il y a sûrement des clans prêts à collaborer avec nous. Certains sont prêts à collaborer, mais jusqu'à un certain point. Le Stuart a conservé son prestige. Que proposez-vous ? D'utiliser l'otage. Ce Waverley ? Oui. De l'envoyer guetter l'arrivée probable du jeune prétendant sur l'île de Skye. Skye ? D'après ce qu'on m'a dit, c'est là qu'il devrait arriver dans les jours prochains. Fort bien, mais ce Waverley... Il est ici. Approche ! Ainsi donc, tu es cet innocent qui a été enrôlé sans savoir pourquoi et qui a été fait prisonnier par nos ennemis sans t'en rendre compte. Je n'aime pas la guerre, sœur. Je sais. Tu n'aimes qu'une chose. Écrire des chansons. Je rêve de revenir chez moi. De retrouver mon feu et ma cousine. Ta cousine? J'ai écrit une chanson pour elle. Encore? Décidément, tu es spécialiste. Une chanson pour le jeune Stuart, une autre pour ta cousine. Nous allons nous marier. Bel idéal. J'avoue encore préférer les rodomontades du prétendant. Arrêtez, Drumor. Écoute, tu as fait la moitié du chemin puisque nous t'avons repris à ces rustos d'Écossais. Nous allons te donner un sauf-conduit qui va te permettre de gagner Skye sans être inquiété. N'oublie pas que tu as trahi les tiens. Je n'ai pas trahi, j'ai été fait prisonnier. C'est la même chose, tu restes suspect aux yeux des uns et des autres. Moi, je te promets la liberté si tu acceptes une mission. Qu'exigez-vous de moi ? Tu connais le jeune prétendant, n'est-ce pas ? Je l'ai vu une fois. Il buvait dans une coupe en or. Il a les cheveux bouclés, il porte des gilets brodés. Pour se camoufler, on fait mieux. À la bonne heure, donc tu sauras le reconnaître. Il te suffira de gagner sa confiance. De l'emmener dans une cave ou dans une grotte, à ta convenance, en lui faisant croire que la côte est pleine d'espions anglais qui sont prêts à l'arrêter. Ce qu'il faut, c'est retarder son départ. Mes hommes n'auront plus qu'à le cueillir. Vous voulez que je sois un Judas ? Tu pourras ensuite rentrer chez toi et retrouver ta cousine. Nous n'arriverons jamais à Skye, my lord. Fuir à pied comme des loqueteux alors que les cavaliers du Hanovre sont à nos trousses. Courage, Murray. N'oubliez pas que nous fuyons pour sauver l'Écosse. Words, words, words. Que dites-vous ? Pardonnez-moi, my lord, mais j'éprouve désormais certaines difficultés à croire à vos promesses. Que vous arrive-t-il ? Nous devions marcher 2 jours. Nous en sommes à 5 jours. Nous avons tellement croisé de patrouilles anglaises que nous avons erré au hasard jusqu'à nous perdre. Il est impossible que nous nous perdions. Nous sommes chez nous et le ciel nous guide. Voyez comme les moines de Baoli nous ont secourus avant-hier. Je ne crois plus aux étoiles. Je suis fatigué, my lord. Regardez là, et là, et encore là, tous ces gibets dans la lande, tous ces pendus qui s'agitent au bout de leurs cordes, me donnent envie de m'enterrer vivant. Vous me seriez infidèle, Murray ? Justement, non. Je vous ai donné ma parole, c'est-à-dire mon sang. Ma fidélité est aveugle. Nous avons été battus, my lord. La cause de l'Écosse est perdue. Cumberland est trop fort. C'est un fat. Il a profité d'un concours de circonstances, voilà tout. La pluie a joué contre nous. Vous vous aveuglez encore une fois, my lord. Voyez où nous sommes rendus, déguisés en femmes, perdus dans cette lande qui n'en finit pas, poursuivie par des meutes. Certains des nôtres ont trahi. Arrêtez, my lord. Il est trop tard. Le temps viendra. Encore une fois, écoutez, ces chiens d'anglais. Vous ne croyez pas si bien dire, c'est une chasse à l'homme, my lord. Je m'arrête ici, je n'en puis plus. Qu'ils viennent m'arrêter, tout m'indiffère désormais. Nous avons mieux à faire. Prenons chacun une piste. Il n'y a pas qu'un seul chemin pour Skye. Si Dieu est avec nous, il nous permettra de nous retrouver là-bas. Je crains que nous nous quittions pour toujours, my lord. Il ne s'agit pas de nous quitter, Murray. Il s'agit d'égarer les Anglais. Prenez vers le nord-ouest, jusqu'à Maleg. Moi, j'irai droit vers le nord. Je trouverai bien un bateau à Gerlock. Rendez-vous chez Flora MacDonald. Le jeune prétendant finit par arriver au port qu'on lui a indiqué, d'où il embarque pour l'île de Skye avec la complicité de quelques réfractaires. Il espère retrouver Murray un peu plus tard et gagner avec lui la France. Là, il compte bien convaincre le roi de France, Louis XV, d'organiser un débarquement en Angleterre, cette fois à grande échelle, qui mettrait fin définitivement au pouvoir des Hanovre et permettrait aux Stuart de retrouver le trône. Malheureusement, la mer est mauvaise. Et le bateau qui doit conduire Charles-Édouard à Skye est pris dans une tempête. Il est beau comme Don Juan. Où suis-je? Ah, ma tête! Vous êtes avec eux? Avec eux? Je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais je peux vous dire que je suis avec vous. Avec moi? Vous ne me reconnaissez pas? Vous ressemblez beaucoup à Flora MacDonald, telle que je l'ai vue en portrait. Et pour cause? Vous êtes... Ni plus ni moins. Flora? Pour vous servir. Que m'est-il arrivé? Une tempête a fait dériver votre bateau jusqu'à Benbecula. Vous avez forcé les voiles pour arriver jusqu'ici, à Skye, en profitant d'une accalmie. Mais la tempête a redoublé et elle vous a jeté sur cette plage. Vous vous êtes évanoui. Moi, dès que le vent s'est calmé, j'ai demandé qu'on me conduise ici. J'étais sûre de vous y trouver. Vous saviez que je voulais venir jusqu'à vous? Votre réputation vous précède, my lord. Et les espions sont de tous les côtés. Maintenant, allons chez moi. Si vous voulez partir pour la France, il faut nous hâter. Les MacDonald nous soutiennent, n'est-ce pas? N'espérez pas trop. Les MacDonald sont comme tous les Écossais. Partagés, déchirés, angoissés par l'avenir. Nombreux d'entre eux sont désormais au service des Anglais. Allez, suivez-moi. Vous pouvez marcher? Oui. Oui. Montez dans ce bateau. Peu de temps plus tard, le bateau qui amène Murray accoste au port de Skye. Nous arrivons enfin. Je n'y croyais plus. Capitaine! Pardon? Vous êtes bien le capitaine Murray? Oui, mais... Capitaine, j'ai un message à vous remettre de la part de Lord Charles Edward Stuart. Un message? Et crainte, je suis au courant de tout. Notre jeune prétendant vient d'arriver dans l'île lui aussi. Il m'a demandé de venir vous chercher afin que vous puissiez partir avec lui pour la France. Attends, qu'est-ce qui me prouve? Le temps presse, capitaine. Après tout. La maison où loge notre prétendant est à deux pas. C'est la maison de Flora MacDonald. Il a donc réussi? Il vous attend pour que vous preniez la mer avec lui ce soir même. D'accord. Je te suis. C'est à deux pas. Tu m'envoies satisfait. J'avoue que depuis plusieurs semaines... Quelle finesse dans les contours de cette île, Flora. Une île sauvage, comme il y en a beaucoup en Écosse. Une femme. Une sirène. Quel enfant. La femme, vous l'avez devant vous, Bonnie. Et ce ciel sans fin, ces oiseaux, ce soleil qui veille sur nous. Vous avez gardé votre foi, my lord. Je vous admire. Mais le temps n'est plus au combat. Les clans sont aujourd'hui découragés, divisés. Quand les Stuarts remonteront sur le trône, il sera bien temps de reprendre les querelles de jadis et de se bagarrer pour un plaid. Calmez-vous, my lord. Pensez à vous. Pensez à moi. Vous pouvez rester ici le temps de laisser l'Écosse reprendre son souffle. On ne fouillera pas ma maison. Vous y serez en sécurité. Je ne peux pas rester, Flora. Je dois partir afin de préparer les prochains combats. Mais moi, my lord, vous ne le voyez pas? Il est en mon pouvoir de vous aider, de vous protéger en attendant... Écoutez, Flora... Tenez. Prenez ce camis. Il porte mon effigie. C'est d'accord? Vous restez? Mais au moment même où le prince écossais s'apprête à prendre congé de Flora MacDonald et à s'embarquer pour la France... C'est ici. Attendez-moi une seconde. Je t'attends. Merci, Flora. My lord, c'est de l'inconscience. C'est lui. C'est bien lui. Pour l'Angleterre et son roi Georges II! Les Anglais, prévenus par Waverley, surgissent et s'apprêtent à tirer sur Bonnie Prince Charlie. Mylord, attention! Rentrez vite! Waverley, qui est ce fou? Murray, le capitaine. Mylord! Je n'irai pas avec vous en France. Adieu, Mylord. Faites que l'Écosse. Murray? Mylord, attention! Ne tirez pas, elle peut nous être utile! Que faites-vous, Bonnie, pour la grâce de Dieu? Ils ont tué Murray. Les trucs, je parte. Bonnie! Viens ici, toi! Non! Non, je serai fidèle au roi d'Angleterre! Eh bien, pour une fois, tu me seras utile comme bouclier! Non! Non, je ne veux pas! Trop mort, sauvez-moi! Ne tirez pas, nous l'arrêterons plus tard! Fuyez, my lord. Le port est à deux pas. Le bateau s'appelle L'Heureux. De votre drap, je ferai mon linceul. L'Heureux? C'est beau comme dans les contes. Merci, Flora. Tue-moi, Drumor, si tu oses. Mais tu abattras aussi ton espion. Pitié, pitié, je ne veux pas mourir. Je veux revoir ma cousine. Je pars pour la France, Drumor. Dis-le à ton maître. Moi vivant, jamais les Anglais ne connaîtront la paix. En route ! Larguez les amarres ! Bonnie Prince Charlie, un héros écossais de Christian Vasselin, avec Bonnie Prince Charlie, Nicolas Gonzalez, Murray, Pierre Beau, une aubergiste, Lisbeth Arasi-Mornay, Cumberland, Thomas Harel, Drumor, Bertrand Suarez-Pazos, la fermière, Hortense Mont-Saint-Jean, Waverley, Adrien Melin, Flora MacDonald, Myrtille Bordier, bruitage, Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré et Bastien Varigo, assistant à la réalisation, Pablo Valero, réalisation, Cédric Ossir. Vous écoutez France Inter, autant en emporte l'histoire. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Bonnie Prince Charlie et l'Écosse avec mon invité, François-Charles Mougel. National, You Had Your Soul With You sur France Inter, autant n'importe l'histoire, réalisé par Julie Edgou, assisté d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Rémi Sistiaga. François-Charles Mougel, la folle aventure de Bonnie Prince Charlie aura duré à peine 9 mois. Commencée brillamment, elle s'est achevée tristement à la bataille de Culloden avec une répression terrible. Alors oui, une répression terrible sur le moment. Et elle a valu au fameux duc de Cumberland, le fils de George II, le surnom de boucher. pour la violence avec laquelle elle s'est exercée, surtout d'ailleurs dans la partie des Highlands. Le reste de l'Écosse, le Sud et les Lowlands ont relativement moins souffert. Il y a eu aussi des mesures symboliques comme l'interdiction des kilts, l'interdiction du tartan, l'interdiction des cornemuses. Il y a eu des mesures qui ont été édictées pour effectivement affaiblir la structure des clans, ces grandes familles, ces familles élargies qui structuraient la société écossaise, principalement d'ailleurs dans la partie nord, la partie des Highlands. Mais très vite, le réalisme l'a emporté. Les Hanovres se sont rendus compte qu'il fallait aussi pratiquer d'autres attitudes. Donc, dès 1747, il y a une loi d'amnistie qui bénéficiera d'ailleurs au passage à la fameuse Flora MacDonald, qui a été envoyée à la Tour de Londres, et qui sera libérée. Et puis, il y aura donc des mesures aussi pour ouvrir l'Écosse, développer les routes, développer les infrastructures. Et puis, on a gardé l'essentiel des avantages que les Écossais avaient obtenus avec l'acte d'union de 1707. Ce qui a permis donc, effectivement, aux Écossais de bénéficier d'une situation économique relativement favorable, de connaître des lumières qui ont été était très brillante à la fin du XVIIIe siècle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les paysans ont beaucoup souffert, non seulement de la répression immédiate, mais ensuite donc des mesures qui ont frappé les clans, dans la mesure où, finalement, pour s'attacher les élites aristocratiques et foncières, les Hanovres ont donné la propriété des terres des clans à leurs chefs. Et ces chefs, effectivement, ont commencé à les mettre en valeur à leur propre profit et non plus à ceux de leurs clansmen, comme on dit, les membres de leur clan. Donc il y a une sorte de césure sociologique qui s'est produite et ce qui d'ailleurs va conduire beaucoup d'Écossais à s'exiler en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Australie, dans les Futchazés, voilà. Et aux États-Unis, dans toutes les régions. Voilà. Il y a une légende qui est née, la légende de Bonnie Prince Charlie. De nombreuses chansons lui sont consacrées, comme celle-ci, la plus connue, de Skyboat Song. Bon, là, on l'entend dans une version instrumentale, donc à la cornemuse. Elle a été réinterprétée de mille manières. Ici, c'est avec Rod Stewart qui va bientôt chanter. Et puis, il y a aussi une légende qui est née après la bataille de Culloden. C'est l'image aussi des combattants écossais qui sont des sauvages. Ces sauvages qui se battent en criant, en montrant leurs fesses pour faire peur. Oui, c'est la vision un peu caricaturale qui continue de véhiculer. En fait, les Écossais avaient l'habitude de charger à l'aube en poussant des grands cris de guerre, effectivement, et en maniant l'épée et la hache. Ils ne disposaient pas d'une artillerie, ils ne disposaient pas de forts très, très organisés. C'était des paysans soldats qui combattaient pour une cause à laquelle ils croyaient. Ce qui a sauvé finalement les Anglais, c'est qu'ils ont opposé à Culloden, donc à ces soldats paysans, mal expérimentés, une armée de métiers, bien formée, bien payée. Et justement, ça a été l'élément qui a renversé en quelque sorte la perspective de la guerre. Donc François-Charles Mougel, l'Écosse va vivre comme ça, unie à l'Angleterre, au Pays de Galles et à l'Irlande du Nord jusqu'à aujourd'hui. Mais depuis quelques années, on le sait, les Écossais ont acquis une relative autonomie. Ils ont un Parlement écossais qui légifère sur certains domaines. Ils ont un First Minister qui est une First Minister actuellement, Nicola Sturgeon. Et puis tout a été bouleversé après le référendum en faveur du Brexit. C'était le 23 juin 2016. Les Écossais, donc majoritairement attachés à l'Europe, ont répondu non à 62%. Et quelques jours après le coup de tonnerre en faveur du Brexit, un eurodéputé écossais, vous l'avez peut-être entendu, Alan Smith, a prononcé au Parlement européen un vibrant discours en faveur de l'Europe. I want my country to be internationalist. Je veux que mon pays soit internationaliste, coopératif, écologique, juste, européen. Et les Écossais, ainsi que les Nord-Irlandais, les Londoniens et de très nombreux Gallois et Anglais aussi, ont voté pour rester au sein de notre famille des nations. Je demande que ce statut et que l'esprit européen soient respectés. Chers collègues, de nombreux points devront être négociés. Nous aurons besoin de garder la tête froide et le cœur chaud. Mais s'il vous plaît, chers collègues, rappelez-vous ceci. L'Écosse n'a jamais voulu vous laisser tomber. Alors je vous en prie, chers collègues, ne laissez pas tomber l'Écosse maintenant. C'était donc l'eurodéputé écossais Alan Smith, quelques jours après le référendum en faveur du Brexit, le 23 juin 2016. Un beau discours, François-Charles Mougel, vous l'aviez entendu ? Oui, tout à fait, oui, c'est tout à fait remarquable. Mais ça prouve effectivement que 1745, c'est aussi de très loin le point de départ d'un mouvement des nationalités qui va traverser, non seulement d'ailleurs l'Écosse, mais toutes les îles britanniques, hein, au XIXe siècle, l'Irlande, le Pays de Galles, et puis qui renaît en Écosse à plusieurs reprises, dès la fin du XIXe, la naissance d'un parti national écossais dans les années 20 et 30, et la réapparition de l'exigence, hein, de l'autonomie qui sera obtenue d'ailleurs en 97 par la dévolution. Et puis alors, là aussi, des hésitations. Est-ce qu'il faut aller plus loin que la dévolution ? Rappelons-nous qu'en 2014, le référendum sur l'indépendance n'a pas été voté par la majorité. Oui. Et maintenant, ça passe à 55%, oui. Voilà. Et là, les Écossais, à 62%, se sont prononcés pour le maintien dans l'Union européenne, où ils espèrent avoir leur place. Et le paradoxe, c'est que finalement, le Brexit pourrait donner, si on fait un mauvais jeu de mots sur le terme anglais, un break-up de ce Royaume-Uni. Ce qui prouve que l'Union, finalement, de 1707, c'est une union d'intérêts. Si on n'a plus intérêt à ce qu'elle se maintienne, ben pourquoi pas déchirer le contrat ? Si l'Écosse retrouve son indépendance, si ça arrive un jour, est-ce qu'elle restera un royaume attaché à la reine Elisabeth, si elle est toujours de ce monde ? Ou est-ce qu'elle choisira un descendant de Bonnie Prince Charlie, je ne sais pas ? Ou est-ce qu'elle opterait pour la République ? Quels sont vos pronostics ? Alors, globalement, je pense que la majorité des Écossais seraient de cœur plutôt républicain, mais par réalisme et je crois aussi par attachement à la dynastie présente, qui est pourtant une dynastie étrangère, dans la lignée des Hanovre, il garderait la monarchie, quitte à avoir effectivement peut-être un autre représentant. Il faut savoir que les Stuarts, en tant que tels, n'ont pas de descendants directs, mais que par les jeux dynastiques et successoraux, le prétendant possible serait un prince bavarois. Alors, ce serait assez étonnant de voir un Wittelsbach remplacer les Stuarts. Bon, l'option reste effectivement très, très fictive, fictionnelle. Un bavarois ou haggis, on peut l'imaginer. Voilà, absolument. Merci beaucoup, François-Charles Mougel. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur le Royaume-Uni, notamment une histoire du Royaume-Uni de 1900 à nos jours, aux éditions Perrin. À lire également le grand classique Histoire de l'Écosse de Michel Duchin chez Fayard. Et je signale une pièce de théâtre, Mary Said What She Said, mise en scène par Bob Wilson, où Isabelle Huppert, seule en scène, interprète magistralement le rôle de Mary Stuart, la reine d'Écosse, actuellement au Théâtre de la Ville jusqu'au 6 juillet. Le spectacle sera fin octobre à Lyon. Et je remercie bien sûr France Bleu Gironde pour le duplex. Autant n'importe l'histoire est terminé pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, changement complet de décor et d'époque, nous parlerons de Violette Maurice, cette sportive française de l'entre-deux-guerres, médaillée dans presque toutes les disciplines, natation, football, athlétisme et même automobile et moto. Mais cette lesbienne assumée a aussi sa légende noire puisqu'elle sera accusée après la guerre d'avoir collaboré avec l'occupant. Violette Maurice, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.